Salut à tous, voici, je vais faire mon premier MP3 acoustique. Yoshi est né ce soir, c'est une petite parodie de Le Lion est mort ce soir, sur Yoshi et sur Super Mario Sunshine là, qui vient de sortir. Je vais l'interpréter au banjo, c'est assez original quoi. Vous plaignez pas si je joue mal, je viens de l'avoir il y a 2 jours alors. Bon bah, attention, j'y vais. Dans une île très lointaine, Yoshi est né ce soir. Et Mario tranquille s'endort, Yoshi est né ce soir. Oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me. Tout est sage sur l'île Delfino, Yoshi est né ce soir. Pas bouffer des fruits sans devenir gros, Yoshi est né ce soir. Oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me. L'indomptable dino à deux pattes, Yoshi est né ce soir. Peach est sauvée, la partie sauvegardée. Yoshi est né ce soir. Oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me, oh dingo me. Yo le le le le le, yo le le le le le, yo le le le le, ay ho. He ain't gonna say goodbye, he ain't gonna say goodbye. Yoshi's a jolly good bell, Uncle G's a jolly good bell. Oh, Yoshi's a jolly good bell. Oh. Et j'ai plus la suite en anglais.